Vous vous souvenez aussi, il n'y avait pas un cheval ? Oui, il y avait un cheval. Catel, pour moi. Catel, oui. je me souviens du cheval, mais je, on faisait que, s'il était là, c'est qu'il servait à quelque chose. Oui. Ouais, ouais. Et François disait qu'il servait toujours pour traiter. Il y avait une. Ah oui. Marie, ah oui. On attelait au cheval. Ouais. Ouais, parce que sinon, il y avait un tracteur aussi. En 66, il y avait déjà des tracteurs. Il y avait peut-être qu'un à l'époque. Ouais. Parce qu'au départ, c'est ça. Ouais, oui. On avait un tracteur. Depuis. Oui, ça augmente. Oui. D'accord. Et vous avez vu évoluer. L'eau courante, vous l'avez eue quand ? Il y avait aussi l'eau courante. Quand vous êtes arrivé ? Ben oui, parce que la motopompe, la pompe était aussi c'est électrique. Donc, ça amenait l'eau à la maison aussi. Mais dans un puits ? Oui, le puits est juste devant la maison. Oui, oui. On s'en sert toujours, d'ailleurs. Ah oui. Ah oui. Mais il y a quand même l'eau de la ville. Oui, on a quand même l'eau de l'année parce que certains moments de l'année, quand il fait très chaud, on n'a pas assez avec l'eau du puits. Ah oui. On met l'eau. Ouais, oui. Mais l'eau du puits, elle vous sert Oui, elle sert à tout. À tout. Elle est prioritaire. Oui, elle est prioritaire. C'est quand il n'y a plus qu'on met l'eau du réseau. D'accord. Après, vous avez vu évoluer petit à petit le matériel. Ouais, il y avait une machine à laver aussi, à l'époque. Ici ? Oui, un truc vraiment archaïque. Une machine à laver Alfa Laval, dans laquelle on faisait du feu de bois pour chauffer l'eau. Oui. C'était... Ouais, et qui ne saurait pas ? Non. Ah bon ? Ben non. Ben oui, c'était une autre époque.